tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, mon métier, c'est avocat, dans le secret du cabinet Seban à Paris. Une série de Michel Pomarède, réalisée par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a une autre série qui déroulait le fil de la disparition d'Estelle Mouzin et qui a permis de tisser des liens de confiance entre un documentariste et les personnages qu'il a enregistrés. Et il y a de l'admiration pour l'intelligence en marche et la sympathie immédiate que l'on éprouve pour ceux qui se mettent au service des victimes et décident de les représenter. Et bien entendu, ces images tirées de films et de séries dont on s'est gavé le dimanche soir, avec effet de manche, robe noire, robe rouge, et cette fascination qu'on a toujours pour ceux qui ont ce pouvoir de persuader l'autre et de le faire plier avec des mots. Mais peut-être aussi mettre son nez dans un vrai procès d'assises. Alors pour commencer, les personnages. Un avocat général, des parties civiles, des jurés, une mère qui a perdu sa fille, un couple brisé, un duo d'avocats, des juges, un accusé, une chroniqueuse judiciaire et une compagne jalouse. Ensuite, le décor. Un box des accusés, des bancs, une pièce aveugle, la solennité de la justice, un meurtre, des experts, une voiture, un verdict, une reconstitution, une arme, un téléphone qui reste allumé, une vie fauchée, une machine à café, des angles morts et des plaidoyers. Aujourd'hui, 4e épisode, la valise à roulette est de sortie. Allez, on y va. Mathieu Hénon, on vous a vu avec cette valise direction Bobigny pour un procès sur des marchands de sommeil. Lundi 20 novembre, il est 12h30, où est-ce qu'on va ? On va à Nanterre pour une cour d'assises, à 14h. Dans votre valise, donc, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a ma robe et il y a le dossier de cette audience qui va nous occuper la semaine à venir. Mon métier, c'est avocat. Michel Pomarède, Jean-Philippe Navarre. Le temps suspendu des assises. Donc là, 4 jours d'audience à Nanterre, vous êtes l'avocat des parties civiles. Alors, le rôle de la partie civile est un petit peu particulier dans la cour d'assises, puisque l'un des sujets principaux de la cour d'assises, c'est l'accusé, évidemment, puisque c'est lui qui potentiellement peut se voir infliger une peine extrêmement lourde d'ailleurs. Maintenant, le rôle de la partie civile a ceci de particulier qu'il y a une énorme attente de la part des victimes qui attendent beaucoup d'un procès de ce type-là parce qu'elle veut que justice soit rendue. C'est ce qui va être finalement la fin d'une période de douleur et le début d'un commencement de deuil en général sur une perte comme c'est le cas ici puisque c'est une maman qui a perdu sa fille. Mathieu Hénon, on est à une demi-heure de la première audience, donc de ce procès. Votre état d'esprit, c'est quoi ? Pour le moment, un peu interrogatif, on est prêt. Je connais le dossier, j'ai travaillé ce week-end, mais il y a une part d'inconnu dans une cour d'assises, il y a une part un peu d'improvisation sur un thème qu'on connaît, mais une part d'improvisation, puisqu'il y a l'oralité des débats. Donc c'est ça, c'est plutôt une attitude concentrée et... Et voilà, j'attends de voir comment les choses vont s'annoncer. Le greffier en chef TGI, on va peut-être pas lui prendre la place. Planter un peu le décor du tribunal, Mathieu Hénon. Alors là, on est passé par le tribunal de commerce, conseil de prud'homme, le grand bâtiment en vert, là, qui est l'annexe du tribunal de Nanterre. Et puis, on rejoint par l'extérieur le tribunal de grande instance, qui est le bâtiment dans lequel va se tenir la cour d'assises. C'est un bâtiment qui a été rénové récemment, donc il y a un aspect plutôt moderne. Très lumineux à l'intérieur, vous verrez, il y a beaucoup d'ouvertures, beaucoup d'accès à l'extérieur. Voilà. Après, l'intérieur des salles d'audience a un côté assez monolithique. Vous allez voir, c'est des vieilles salles d'audience. Enfin, c'est des salles d'audience un peu... Enfin, je sais pas, je dirais assez style années 80, beaucoup de marbre, de choses comme ça. Un micro, mic'un professionnel. Allez-y, maître. Normalement, c'est au premier étage. Donc on va voir l'avocat de la défense, on va voir l'autre avocat de partie civile, puisqu'il y a une autre partie civile constituée dans le dossier, qui est l'avocat du compagnon de la jeune fille qui est décédée. Et voilà, et puis je vais aller, parce que c'est l'usage, me présenter auprès de la présidente de la cour d'assises. On ne peut plus tourner à partir du moment où les débats sont ouverts. Bon, normalement c'est là, mais je ne sais pas si c'est ouvert. C'est notre dossier, 20 novembre, 14h. 21 novembre, 9h30, 9h30 et 9h30. Voilà. Finalement, quelque part, on va défendre deux parties. La maman, qui sera peut-être là, mais c'est une épreuve. Elle l'appréhende forcément que de se présenter à une audience pour parler de tout ça. Et de vivre tout ça, et de revivre tout ça, cette disparition, la perte de sa fille. Mais il y a aussi une présence un peu virtuelle, c'est la personne de cette jeune fille qui a été assassinée. Et il va falloir aussi porter le souvenir de cette jeune fille, dont la vie s'est brusquement arrêtée à une vingtaine d'années, enfin, voilà, alors qu'elle avait encore tout à attendre de la vie, tout à espérer. Véronique, vous êtes professeure dans un lycée de Sartrouville. Pourquoi est-ce que vous êtes avec une classe de terminale ? Alors en fait, il s'agit d'un projet pédagogique que je mène depuis déjà 6 ou 7 ans en terminale littéraire, où j'enseigne donc le droit et grands enjeux du monde contemporain. C'est l'occasion pour les élèves de découvrir le droit en action et donc de... En étant en immersion totale au cœur d'un projet, ils se rendent compte de la manière dont la justice fonctionne. Ça leur permet de se poser plein de questions, de se rendre compte que c'est très compliqué, que de juger un homme ou une femme, c'est extrêmement compliqué. Et je pense que c'est un bon moyen, par ailleurs, de motiver les élèves quant à la matière. Mathieu Hénon, 15h, une heure d'audience, dans cette première audience au tribunal de Nanterre sur cet homicide classique, ce début d'audience, récusation des jurés par la défense, qui a droit à 4 récusations, sans motif. Non, il n'y a pas d'explication. Enfin, la liste des jurés est communiquée préalablement aux deux parties qui ont un pouvoir de récusation, la défense et l'accusation, ministère public, l'avocat général. Avec quelques éléments d'identification, il y a juste le nom, la date de naissance, la profession et le lieu de résidence. Et c'est sur la base de ces seuls éléments-là que va s'exercer le pouvoir de récusation. Nous, du côté de la partie civile, on n'a pas de pouvoir de récusation, donc on est un peu spectateur de cette phase de l'audience. Une des jurées est appelée, elle est absente. Amende, de combien ? Une amende de 700 euros, je crois, qui a été prononcée contre cette jurée qui n'était pas présente. Et puis une interdiction d'exercer les fonctions de juré à l'avenir. Dans la salle d'audience, c'est une demi-classe de lycéens qui assistent à ce procès. Oui. Il y a souvent du public dans une salle de cour d'assises. Oui, ça arrive. Il y a même des gens qui suivent les cours d'assises. Pour ce qui est des élèves... C'est un peu différent, ça permet de s'instruire comme citoyen, de voir comment la justice fonctionne. Voilà, je pense que c'est important, je trouve ça plutôt bien. Valérie Mao, Vous êtes chroniqueur judiciaire au Parisien et au moment où s'ouvre le procès, il y avait un avant-papier. Quelle était la teneur de cet article ? L'affaire, on l'a présentée en racontant le trio de jeunes collègues qui travaillaient dans un supermarché. D'emblée, on a évoqué l'attitude de la compagne, qui apparaissait avant même l'ouverture des débats, en tout cas à l'issue de l'instruction, comme une personne jalouse dont le rôle avait pu être déterminant dans le passage à l'acte de l'accusé. Mathieu, vous êtes le dernier à sortir de la salle d'audience, il est 20h30. Qu'est-ce que vous retenez de cette première journée d'audience ici au TGI de Nanterre ? Alors, la première journée était consacrée à la personnalité, plus exactement, de l'accusé. Donc, on a entendu l'enquêteur de personnalité, notamment, on a entendu beaucoup de membres de sa famille. Ce qui est un petit peu particulier, c'est que il y a un aspect dans ce dossier qui est lié aux relations que pouvait entretenir l'accusé avec ses collègues de travail et notamment avec certaines jeunes femmes. Et donc du coup, il y a tout cet aspect du dossier qui est important puisqu'il est en lien avec les faits qui lui sont reprochés qui a été abordé aujourd'hui. Donc en fait, on a fait de la personnalité, mais on a fait aussi du fond un petit peu. Est apparue quand même une figure importante dans la vie de l'accusé, sa compagne. Ouais. Oui, ce que je vous disais, c'est qu'on est aux confins de la personnalité et des faits. Effectivement, il y a un personnage assez central qui est la compagne de l'accusé à l'époque des faits, puisqu'en fait, le crime intervient, enfin, les faits qui lui sont reprochés interviennent alors que l'accusé sort d'une relation adultère avec la victime. Et qui apparemment a été très très très très mal vécu, évidemment, on pourrait s'en douter, par sa compagne de l'époque. Et donc, je crois que la cour d'assises s'interroge un petit peu sur le poids qu'a pu avoir cette compagne dans le passage à l'acte. Mais la victime, comment est-ce qu'on en parle ? La personne de la victime, effectivement, n'a pas été véritablement évoquée pendant cette audience, autrement que par le président, la présidente de la cour d'assises, mais dans la bouche de l'accusé, rien. Dans la bouche de la famille de l'accusé, même chose. Son nom n'est pas évoqué, il n'y a pas d'excuses qui sont formulées, il n'y a rien qui est dit. Effectivement, c'est quelque chose qui interpelle l'avocat de partie civile que je suis dans le dossier. Un mot sur votre confrère qui assure la défense de l'accusé. Ouais. Est-ce qu'on peut déjà lire une stratégie de défense se mettre en place dès cette première journée ? Oui, clairement, il a l'air d'être dans... Enfin, ils sont dans la thèse de l'accident. C'est-à-dire qu'ils essayent d'expliquer que les faits sont accidentels, qu'il n'y a pas d'intention homicide. Bon, voilà, moi, il me semble que les éléments du dossier font que ça n'est pas possible de soutenir ça, mais effectivement, ça a l'air d'être la thèse de la défense. Mathieu et nous, on est toujours dans votre voiture, on vient de quitter le TGI de Nanterre. Quand vous allez rentrer, est-ce que vous allez couper votre téléphone ou est-ce qu'il est encore ouvert pour que la cliente puisse vous appeler tardivement ? Ouais, je vais encore le garder ouvert un peu parce que faut pas oublier que pour elle, c'est le premier jour de la cour d'assises et que tout ça doit être assez inquiétant pour elle, j'imagine, même si on en a beaucoup parlé avant. Donc si elle a besoin de m'appeler, faut qu'elle puisse m'appeler. Mardi 21 novembre, 11h15, première suspension de séance. Sonia Cannou, alors, ça fait 2 heures que vous êtes dans la salle de l'audience. Je trouve que voilà, il y a une ambiance un peu tendue. L'accusé reste sur ses déclarations initiales. Et voilà, il n'y a pas d'évolution dans son discours, il n'y a pas d'évolution dans sa prise de conscience des faits, il parle de la victime comme une victime, il n'est pas capable de la nommer par son prénom, voilà, il y a des choses qui se dégagent. Mais il n'est pas capable non plus de parler d'accident. Or, c'est sa ligne de défense. Ce qui a été en débat ce matin, surtout, c'est le fait, puisqu'on a entendu une des policières, une des enquêtrices qui était en charge de l'enquête, ce qui a été en débat, c'était le fait que l'accusé a gardé le silence pendant tout le début de la procédure, ce qui est un droit. Mais en fait, la présidente, finalement, utilise cette question-là, et l'accusation également, utilise ce point-là pour expliquer que ça pourrait correspondre à une construction a posteriori. Pour nous, l'homicide volontaire est constitué, il n'y a pas de doute là-dessus. Et la ligne de défense, qui est une ligne de l'accident, ne tient pas la route. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'on en est au début de l'audience, qu'on a les enquêteurs qui vont nous donner encore des éléments d'information tout à l'heure, des enquêteurs qui sont rentrés dans le détail des choses, puisque là, on a vu la chef d'enquête. On va avoir les policiers qui ont fait les constatations sur place. On va avoir les policiers qui ont reçu la reddition de l'accusé. Et cet après-midi, on a tous les experts aussi qui vont venir invalider la thèse de l'accident. Notre rôle de partie civile, c'est pas de mener l'accusation, ni de mener les débats. Par petites touches, on guide aussi l'audience vers ce chemin-là. Sonia Canoun, entre-temps, vous avez des nouvelles de la cliente. Est-ce qu'elle a décidé de venir ou pas ? Pour le moment, non, toujours pas. Pas de volonté de venir. C'est sa première idée, sa première envie depuis toujours. Et pour le moment, elle n'en change pas. Pause déjeuner, Mathieu Hénon, Sonia Canoun. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas fait encore état du contenu des conversations qu'a l'accusé avec sa victime, un nombre considérable, qui peuvent être lus soit comme un attachement addictif à sa victime, soit comme une volonté de la harceler? Pourquoi est-ce que le contenu des SMS n'a pas été encore mis à jour par la présidente? Parce que elle le fait dans l'ordre, elle a prévu d'évoquer la téléphonie et les échanges de SMS plus tard dans l'audience. En fait, c'est la manière de conduire l'audience, c'est-à-dire qu'une cour d'assises, c'est d'abord le principe, c'est l'oralité. Donc il y a certaines personnes qui sont appelées à être entendues oralement à l'audience et il faut qu'elles s'expriment et qu'elles aient une préséance sur l'expression. Donc on va d'abord leur poser la question à elles. Et ensuite, on va évoquer des points de fait qui ne sont pas susceptibles d'être évoqués oralement. Donc c'est normal dans la structure des débats. En tout cas, c'est le choix de la présidente et c'est pas absurde sur le plan procédural. Voilà. Mais ça va être évoqué. Hein. Avant la reprise des débats, je vous ai vu converser avec votre confrère de la Défense. Vous étiez un peu tout sourire. Quel était l'objet des échanges ? Tout sourire, je sais pas. En réalité, on porte tous la même robe, donc il y a une confraternité. On parlait du fond du dossier. Il me parlait de sa position et je lui parlais de la mienne. Voilà, je peux pas vous en dire davantage, mais on a, enfin voilà. Tant sur les échanges avec le confrère de la Défense qu'avec l'avocat général, on parlait du dossier en fait. Hein, de la lecture de chacun du dossier, de notre manière de voir les choses, le coup d'après, comment est-ce qu'on allait présenter les choses. On est des acteurs là pendant quelques jours d'un même procès, on a chacun un rôle à jouer, et donc évidemment on a des échanges sur le contenu du dossier et le fond du dossier. Premier. Mais ouais, on regarde ça, comment on se sépare le. Comment on se partage le truc. Mathieu Hénon, on vous entendait en aparté dire comment on se partage le truc. Le truc étant les plaidoiries, et donc on est à 5 minutes de la reprise de la deuxième audience. Et vous plaidez jeudi et avec Sonia Canoun, vous êtes déjà en train de vous répartir les rôles, c'est ça ? On commence à aborder les différents thèmes qu'on devra aborder à l'audience pendant les plaidoiries. Et du coup, on est en train de réfléchir à la manière de les répartir entre nous pour que chaque thème soit porté par celui qui se sent plus à l'aise et le mieux pour porter, pour évoquer ces questions-là. Thank you. 16h30, la vie continue de l'autre côté de la baie vitrée, à l'intérieur de la salle d'audience. On vient d'entendre des experts en médecine légale et donc il était question de la mort, avec des photos de victimes et des détails sur strangulation, coups, plaies. Comment vous avez vécu ces 2 heures, Sonia Cannon? On est dans la technique. L'avocat, il est comme le médecin. Il a un recul, une vision technique de ses photos, de ses images, de l'aspect de la victime et des descriptions qui sont faites. Donc voilà, c'est évidemment pas des moments faciles, évidemment pas le moment de l'audience que l'on préfère, mais on garde une vision technique, je pense. C'est vrai que c'est toujours un petit peu impressionnant d'entendre dans l'atmosphère un peu feutrée d'une cour d'assises des mots aussi durs. Et puis parler de la mort d'une manière aussi crue, c'est-à-dire que, enfin, on peut même aller au-delà de ça, parler du débit sanguin d'une blessure, du temps de survie, enfin, c'est des choses qui sont effectivement assez, assez dures et difficiles à entendre. Mais ça fait partie du sujet qu'est le nôtre pendant ces 3 jours. Donc il faut, c'est pas, comme le disait Sonia, c'est pas un moment très agréable, mais en même temps il faut l'accepter puisque ça fait partie d'une procédure, ça fait partie des faits. Il faut rester garde haute même dans ces moments-là, c'est-à-dire qu'il faut toujours être sur le qui-vive et c'est ce qu'on fait. Je vous ai vu marquer, puisqu'on est assis derrière vous dans la salle d'audience, 2 mentions morphologiques, celle de la victime et celle de l'accusé. La victime fait 20 cm et 30 kg de moins que l'accusé. Quand il est question de lutte, thèse défendue par l'avocat de la défense, et dans cette lutte, un accident, est-ce qu'on n'a pas, à travers juste ces 2 mentions morphologiques, quelque chose qui parle aussi, Mathieu Hénon ? Il me semble, ouais, c'est pour ça que je les ai notées, effectivement, le face-à-face, je ne parle pas de combat parce qu'à mon avis, il n'y en a pas eu. Hein. Le face-à-face était pour le moins inégal. Et ça contribue effectivement à la démonstration de ce qui me semble être un meurtre sans contestation possible. Et je crois que les interventions des experts tout à l'heure, et on va continuer encore un petit moment puisqu'il y a eu d'autres autopsies qui ont été réalisées, a permis de démontrer ce qui tombait déjà sous le sens. Donc voilà, on continue. « 21h, fin de la deuxième journée d'audience. Et un moment, Mathieu Hénon, vous m'avez expliqué depuis qu'on converse ensemble que l'avocat porte la voix pour son accusé. Et tout d'un coup, on voit l'accusé qui quasiment porte la voix pour son avocat et qui pose la question qui sous-tend toute la défense de son avocat à un expert. Est-ce qu'il n'y a pas une inversion des rôles incroyable qui s'est jouée là à l'audience ? Ben, il y a surtout le fait que l'accusé pose sous la forme d'une question ouverte à l'expert la question de savoir si sa thèse accidentelle est envisageable ou pas. Et évidemment, à partir du moment où vous posez une question ouverte là-dessus en termes de stratégie d'audience, ben, vous avez c'est un va-tout, quoi, c'est qui tout double. Et là, dans ce cas-là, l'expert a répondu non. Votre thèse n'est pas compatible avec mes constatations. Et malgré les efforts de l'avocat de la défense qui a essayé de revenir un petit peu, de ramer en sens contraire, les experts, puisqu'en plus ils étaient 2, c'était les derniers, les contre-experts qui étaient là pour mettre tout le monde d'accord, chacun à leur tour ont dit non, et ça, on maintient notre position, ça n'est pas possible. Ce que vous soutenez n'est pas conforme à ce qu'on a constaté. Et donc évidemment, c'est sur le plan factuel, c'est un virage important dans le dossier. Vous avez probablement ressenti, en tout cas nous on l'a senti, qu'au moment où la question est posée par l'accusé, effectivement, et pas par son conseil, tout le monde retient son souffle. L'expert dit non, c'est pas possible. Je suis d'accord. C'était la question qu'il fallait pas poser. C'était la question qu'il fallait pas poser. Et que personne n'a osé poser. Ou pas poser, pas poser comme ça. Thank you. mercredi 22 novembre, troisième jour d'audience ici au tribunal de grande instance de Nanterre. Avec vous, Sonia Kanoun, la salle de numéro 1 de la cour d'assises, donc c'est une porte avec ce grand 1 dessus. À l'intérieur, description des lieux. C'est une grande salle de cour d'assises où vous avez vu qu'il y avait du public, et notamment un groupe de lycéens qui, je crois, pratique un petit peu le droit au lycée et qui est venu écouter les débats. Vous avez une place, enfin un box plus exactement vitré dans lequel vous avez l'accusé avec deux gendarmes autour de lui. Et puis en face de lui, vous avez l'accusation, donc l'avocat général. À côté de l'avocat général, les parties civiles, nous et le conseil du petit ami de la victime. Et puis en face, la cour avec trois magistrats professionnels et les jurés. L'architecture, la lumière, ça donne quoi comme impression ? C'est souvent le cas, et en général je trouve que ça crée une ambiance particulière. C'est une pièce qui est sans fenêtre, on n'a pas de vision extérieure, et donc encore plus que d'habitude, ça crée un aspect très détaché du monde, un peu suspendu comme ça, un moment suspendu. Et au niveau de la lumière, du coup, ce sont des lumières artificielles, assez douces. On dirait presque cette lumière et ce lieu confiné dont vous parlez, un temple protestant à peine illuminé. Donc il y a un côté presque religieux dans cette enceinte. Est-ce que vous êtes d'accord ? Je dirais peut-être pas religieux, mais plutôt solennel. Il y a quelque chose de très solennel dans une salle d'audience en général et dans une salle de cour d'assises en particulier. Là, le soleil donne, il est 14h45, c'est l'heure du déjeuner, donc il y a eu beaucoup de temps qui a été passé. À quoi ? À l'interrogatoire de l'accusé sur les faits. Sonia Kanoun, vous avez bondi du banc où vous êtes assise à un moment parce que l'accusé émet une hypothèse, comme un expert, alors que c'est lui qui est accusé du crime qu'on lui reproche. Que dit-il ? On l'a dit à plusieurs reprises, la victime a deux plaies, l'une mortelle, la seconde donc de l'autre côté du cou, non mortelle. Cette première plaie, non mortelle, nous intéresse parce que l'hypothèse qui est dégagée du dossier, à la lecture du dossier, des expertises, etc., c'est que probablement, en tout cas c'est fortement compatible avec la trace de ciseaux. Et il se trouve que depuis le début du dossier, l'accusé refuse de reconnaître sa part de responsabilité dans l'apparition de cette plaie et que là, à l'audience, il nous laisse entendre que probablement la victime aurait pu se causer elle-même cette plaie au niveau du cou avec l'arme du crime. Et la lecture qu'on peut avoir du banc de la presse où nous sommes, c'est quand même que cet accusé se pose beaucoup en victime. Effectivement, c'est pas la position qu'on a. Nous, qui est une position qui me semble plus conforme aux faits, dans la mesure où c'est lui qui vient au domicile de la victime, c'est lui qui s'introduit alors qu'elle n'est pas trop pour, c'est lui qui l'agresse dans un premier temps, et c'est lui qui sort vivant de cette altercation, et elle, malheureusement décédée. Mais... Vous avez parlé de reconstitution pendant l'audience. Depuis quand vous êtes sur ce dossier, en fait, Mathieu Hénon et Sonia Kanoun ? Ça va faire plus de 2 ans, hein ? Ouais, c'est ça. On a dû être saisi quelques temps après les faits, courant de l'année 2015. Et oui, effectivement, et on a eu d'autres interventions dans le dossier, des interventions procédurales, des demandes écrites au juge d'instruction, des observations à la fin de l'instruction, des mémoires devant la chambre de l'instruction. Enfin, oui, il y a eu beaucoup de travail. Alors après, en matière de temps, je ne saurais pas dire exactement combien de temps ça nous a pris, mais en tout cas, ça fait plusieurs années qu'on vit avec ce dossier. « 18h15, la nuit est déjà tombée sur Nanterre, le soleil qui dardait ses rayons a disparu. À l'intérieur de la salle numéro 1 de la cour d'assises, celle qu'on attendait depuis le début de la semaine est arrivée. Il ne faut pas oublier que cette femme n'est pas dans le box des accusés, donc fondamentalement, la justice ne lui reproche rien. On se demande quel a été le poids de ce comportement de jalousie à l'égard de la victime dans le passage à l'acte de son compagnon, qui est aujourd'hui l'accusé. Donc voilà. Elle est peut-être le catalyseur de quelque chose, elle a peut-être été mobile, je ne sais pas. Ça, c'est ce que nous dira la fin de l'audience. Puis je pense que chacun aura son point de vue là-dessus. L'accusation, la défense, la partie civile et la cour d'assises. Et non, la nuit est vraiment tombée sur Nanterre et la lumière artificielle du hall dans lequel est cette salle d'audience numéro 1, elle n'a pas varié. Et donc il est 20h, la maman de l'accusé est en train de témoigner, vous avez pris une pause café. Mais le sentiment que je voulais que vous nous expliquiez, c'est un peu, on est là depuis lundi. L'audience a été ouverte lundi et suspendue, mais est-ce que ces 4 jours qu'on vit ensemble, c'est pas plus que 4 jours puisqu'on voyage dans le temps? Comment vous le vivez-vous? Alors, c'est vrai que la cour d'assises, c'est un moment judiciaire un petit peu particulier. Une cour d'assises, c'est une temporalité un peu particulière. Déjà, l'audience, finalement, il n'y a pas une audience chaque jour, en fait. Il y a une audience qui a commencé lundi à 14h. Et qui va se terminer jeudi, dans la journée, dans la nuit peut-être, par un verdict. Donc c'est une audience qui vraiment dure plusieurs jours. C'est la même unité de temps en fait, c'est la même pièce qui se joue. Et puis en même temps, la cour d'assises des Hauts-de-Seine, où on est, vit en dehors de la temporalité du palais de justice qu'il habite. C'est-à-dire qu'on démarre le matin, il y a peu de gens encore au tribunal, parce que les audiences commencent tout juste. Et puis on a des suspensions qui sont dans des temps qui ne sont pas du tout habituels. Par exemple, ce midi, on a une pause déjeuner entre 15h et 16h, en gros. Et puis là, on en est encore à 20h, encore à terminer les débats. Donc on a encore au moins une heure et demie devant nous. Et donc on va partir, vraiment, la nuit sera dehors, la nuit sera là, le palais de justice sera désert. Et on aura la nuit, nous, pour travailler à la plaidoirie demain matin, en fait. En se disant sur quoi les jurés se sont couchés hier soir et sur quoi il faut qu'on réenchaîne le lendemain matin pour garder cette temporalité, profiter de ce qui s'est dit, du sentiment de chacun, etc. Donc c'est vraiment un moment très particulier. Et pendant ce moment, tout le monde, les jurés, la présidente, ses assesseurs, les avocats, vivent dans cette temporalité unique, ce moment unique entre nous et en même temps qui n'est pas le même que celui qui se déroule à l'extérieur. Je rentre le soir, mon fils est couché, ma femme aussi. Enfin, voilà, c'est vraiment un moment un peu différent, un moment partagé au sein de l'audience et de tous ces acteurs et en même temps un moment singulier. Je pense que vous en faites vous-même l'expérience finalement. Quel regard vous avez eu sur la déposition du compagnon de la victime et ensuite de la lecture brève de la lettre de votre cliente et des 3 photos qu'elle vous a transmises? C'est 2 manières de vivre la douleur, en fait. Je crois que c'est juste ça. Vous aurez remarqué que le compagnon, donc l'autre partie civile, est rentré dans la salle d'audience, qu'il a déposé assez longuement. Bon, je pense que ça a duré au moins une grosse demi-heure, je pense. Et jamais, il n'a porté le regard à sa droite. Jamais il a regardé l'accusé, jamais il a regardé le box. Mais jamais, c'est-à-dire que comme s'il avait des œillères d'un côté, il n'a jamais tourné la tête vers l'accusé. Il a toujours regardé soit les jurés, la cour d'assises, soit le banc des parties civiles de manière un peu brève. Ça en dit long, à mon avis, sur la difficulté qu'il y a à venir témoigner de ce genre de douleur à la barre. Bon, il nous a en plus parlé de sa vie qui est dévastée, évidemment. La maman que je représente aurait aimé trouvé en elle la force de le faire. J'ai essayé de l'aider, mais elle n'a jamais réussi à trouver cette énergie-là. Et pour autant, elle ne pense qu'à nous. C'est-à-dire qu'elle vit dans la même temporalité. C'est-à-dire que tous les soirs, quand je sors de la salle d'audience, je passe une heure au téléphone avec elle. Et on discute de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est dit. Elle me demande. Voilà. C'est-à-dire qu'elle vit aussi ce moment que nous vivons. Mais voilà, pour le moment, et je crois que désormais, puisqu'on est à la veille de la clôture des débats, enfin, même pas à la veille, mais ça va se terminer ce soir, au moins les discussions. Elle ne viendra pas, elle ne viendra plus. Ça veut simplement dire que la douleur a été trop forte. Jeudi 23 novembre, 9h15, dernier jour de l'audience de la salle numéro 1. Sonia Kanoun, dans vos mains, qu'est-ce qu'on voit ? Toute ma plaidoirie. Voilà, c'est le travail d'une partie de la nuit. Vous êtes couché à quelle heure ? À peu près 3 heures. Donc là, on voit que c'est une écriture noire. Après, il y a du bleu. C'est parce que le stylo ne marchait plus ou parce qu'il y a... Il était épuisé, lui aussi. J'ai toujours fonctionné comme ça. J'ai besoin d'écrire pour apprendre, pour mémoriser les choses. Voilà, j'ai une mémoire visuelle, donc j'ai vraiment besoin d'écrire. Et par exemple, dactylographier ma plaidoirie à l'ordinateur, c'est pas possible. Donc 15 pages de plaidoirie, c'est une durée devant la cour d'à peu près combien de temps ? Vous l'estimez à combien de temps ? Un petit quart d'heure. C'est la fin. Mathieu, et donc vous êtes couché à quelle heure ? Un peu tard, la nuit a été un peu courte. Je sais pas, à 2 heures ou quelque chose comme ça. Sonia Kanoun a 15 pages manuscrites dans les mains. Vous ? Ouais, à peu près pareil, je pense. Donc deux fois un quart d'heure. Ouais. Après, il y a ce qui est écrit et puis il y a l'instant aussi, quoi. Il y a des choses qu'on dit pas, des choses qu'on va rajouter un petit peu sur le moment. Est-ce qu'on peut voir votre plaidoirie, si vous l'avez écrite, si vous avez tout écrit comme Sonia, ou est-ce que c'est juste des notes, vous ? Alors, je l'ai écrite, mais je l'ai pas. Petit accident hier. Qui fait que je suis pas la version papier, j'ai une version sur mon iPad, donc je vais plaider électroniquement. Pas le choix, hein, comme ça. Le petit incident qui arrive à 2h du matin au moment d'imprimer la plaidoirie, c'est comme ça, mais c'est pas très grave. Donc vous la tapez, en fait. Ouais. Ça marche mieux pour moi, mais voilà. Mais l'important, en fait, c'est de la préparer jusqu'à ce qu'on se sente prêt, quoi. Qu'on ait envie d'y aller... On pense qu'on a à peu près tout dit. Après, toute la matinée, toute la soirée, c'est un peu ça, c'est de se dire est-ce que je dis bien tout, est-ce que j'en dis pas trop. Toujours la même chose. Il y a eu des silences aussi hier qui ont été importants. Des émotions tues, contenues, qui en disaient presque plus long que des phrases longues. Et en fait, ce que vous avez fait vivre à l'audience, c'est la vie d'avant de la victime, qui avait un père qui est mort. Ouais. Elle est morte. Ouais. La mère est toujours vivante, mais absente. Donc vous avez fait vivre 3 absents en 2 phrases de cette femme qui était venue témoigner en faveur de la défense. Donc un espèce de twist incroyable dans quelques minutes. Ouais. C'est le moment de l'audience. Il y a un truc qui se crée. On sent qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à dire, et puis c'est dit. Moment où la parole se libère. Et c'est ces petits moments-là qui sont assez rares et en même temps assez importants dans une cour d'assises, parce que ça change un petit peu l'équilibre, la physionomie des débats. Ça rajoute de l'humain là où il en manquait, ça rajoute de l'honnêteté là où il n'y en avait pas, par exemple. Enfin, voilà. Sonia Kanoun, Mathieu Hénon, il est 13h25, une demi-heure de suspension de séance par la présidente pour que la défense prépare sa plaidoirie. Donc toutes les parties civiles ont plaidé, réquisitoire du procureur qui a réclamé 20 ans, entre 18 et 20 ans de prison. Sonia Kanoun, vous avez, on pourrait dire, tenu l'horaire indiqué quand on vous a rencontré ce matin, vous avez plaidé un quart d'heure. J'ai parlé de la victime. Je voulais faire entendre sa voix, j'ai expliqué que la victime c'était toujours celle dont on parlait le plus et qui finalement qu'on entendait le moins dans une cour d'assises. Et voilà, j'ai voulu porter la voix de la victime, dire aux jurés qui elle était, au-delà de celle dont ils avaient l'image au dossier et qui n'était pas la victime vivante, pleine d'espoir, pleine de projets et pleine d'avenir qui nous avait été décrite par sa maman et par ses proches. Vous avez commencé par quoi et vous avez terminé par quoi pour qu'on saisisse bien un peu la narration de votre plaidoirie ? J'ai commencé par le moment des faits, c'est-à-dire ce moment où on sait que la victime répond au téléphone à son petit ami et dont ensuite on ne sait plus grand-chose. Voilà, et j'ai terminé par cette heure aussi d'appel de son petit ami parce que c'est le dernier moment de la vie de la victime qu'on connaît. Passage de relais entre Sonia Kanoun et vous-même, Mathieu Hénon. Sonia Kanoun a plaidé en étalant ses notes sur la table des scellés, donc à proximité des jurés, dans une proximité quasiment physique. Vous, vous prenez du recul, vous mettez à la barre. Pourquoi ? Parce que je le sens mieux comme ça. C'est ma bonne distance, en fait. C'est ce qui me permet d'embrasser du regard tout le monde. C'est-à-dire que quand je regarde devant moi, je vois l'ensemble de la cour et des jurés. Mais c'est une question d'appréciation. Plus près, j'ai le sentiment d'être trop près. Je veux rester à une distance. Voilà. Mais c'est après, c'est là qu'on démarre. Et après, vous l'avez vu, on bouge. Il y a plusieurs temps dans la plaidoirie. Ça correspond à le départ pour un petit peu rester dans la tonalité qui m'a précédé avec Sonia Kanoun, qui parle donc de la jeune fille qui est décédée. Moi, après, je parle de la maman. Et je parle de la relation de la maman, du manque, du fait que la maman n'a pas trouvé la force de venir à l'audience. Le propos se prête pas forcément à une envolée, à pousser la voix. Le propos est forcément un petit peu plus intimiste. Et donc, comme il est plus intimiste, il est plus ramassé, on reste plus statique, on reste plus penché. Enfin, ça participe aussi de la forme. Et puis après, il y a la question de plus strictement de l'action publique, enfin, dans le sens où la constitution du crime. Et là, évidemment, on n'est pas du tout dans le même mode d'expression. On est dans une démonstration, on est dans l'établissement d'une culpabilité, donc on a une voix qui projette, c'est pas du tout pareil. Cette voix qui projette, elle passe aussi par une projection du corps, donc on bouge beaucoup plus. Deux moments quand même dans votre plaidoirie. Un coup de griffe à votre confrère de la défense. En quels termes ? Moi, j'ai commencé par préciser que il m'arrive plus souvent qu'à mon tour d'occuper le banc de la défense. Donc je sais, et j'en ferai jamais le grief à la défense de se défendre. C'est son droit le plus strict et c'est même son devoir. Donc il n'y a pas de difficulté là-dessus. Maintenant, il y a des stratégies de défense sur lesquelles il faut répondre. Et j'y réponds notamment sur la question d'une expérience qui est tentée par la défense pour essayer de démonter une expertise qui a été faite de manière contradictoire, qui a été discutée par tout le monde, par des experts éminents. Et pour la contredire, on fait une expérience de petit chimiste, c'est ce que j'ai indiqué effectivement à l'audience. Voilà, mais il n'y a aucune acrimonie, c'est un argument qui est opposé à un élément de preuve auquel on est confronté. Un élément de preuve, d'ailleurs, j'ai même du mal à le qualifier de preuve, mais voilà. Donc après l'expression que vous utilisez deux fois de mallette de petit chimiste à l'endroit de la défense, vous concluez presque par votre atout en exploitant la lecture d'une pièce qui n'avait pas été faite depuis le début de la semaine, c'est-à-dire les traces d'ADN retrouvées sur les mains, les deux mains de la victime. Et ces traces d'ADN sont les traces de qui ? Ce sont les traces de l'agresseur, en fait, puisque c'était établi dans le dossier que la victime, au moment de son agression, essayait de se défendre en griffant son agresseur. Mais ce que nous dit l'agresseur également, c'est que lorsqu'il y a eu ces griffures, elle était censée porter à la main l'arme du crime. Et comme les griffures ont manifestement été portées avec les deux mains, c'est un élément qui vient en contradiction avec la version de l'accusé. Rien n'est fait. Mathieu Hénon, 16h. Votre confrère de la Défense a plaidé 1h45. Un sentiment sur sa plaidoirie? Il plaide l'acquittement, c'est-à-dire l'innocence totale, pure et simple de son client, par rapport à ses faits. Bon, pas d'avis à donner là-dessus, c'est le choix de sa défense avec son client. La cour s'est retirée, le délibéré est prévu vers quelle heure selon vous? Les oracles disent qu'il y en a pour 4 heures à peu près de délibération. Rendez-vous à 20h. Et là, vous rentrez au cabinet? Ouais, on va rentrer au cabinet là, on a le temps d'aller travailler. Valérie Mao, vous êtes chroniqueur judiciaire au Parisien et vous avez partagé pendant 4 jours la position que nous occupions sur le siège un peu inconfortable et instable, celui de la presse, derrière les parties civiles, dans la salle d'audience. Qu'est-ce que vous écrivez ? La première demi-journée était consacrée à la personnalité de l'accusé. Donc on a dû titrer l'accusé pris dans une relation orageuse avec sa compagne. Donc ça, c'était le mardi. Le mercredi matin, deuxième jour d'audience. On a choisi d'angler plus sur le témoignage de la personne qui a découvert le corps, ce qui a permis de raconter les faits à travers son témoignage à lui. Donc, quatrième jour, mais qui relate les faits du troisième jour. Vous avez titré sur quoi ce matin ? Le mauvais génie du meurtrier présumé. Là, il est 16h, un peu plus de 16h. Vous pratiquez la chronique judiciaire depuis longtemps ? Oui. Depuis combien de temps ? 15 ans. Donc des cours d'assises, vous en avez couvert ? Des oui. Procès, vous en avez couvert ? Des accusés, vous en avez vu ? Oui. La lecture que vous faites de cette affaire, c'est quoi ? Sur ce qui s'est vraiment passé le jour du crime ? Je pense qu'il a planté les ciseaux, qu'il n'était sûrement pas parti pour, mais que c'est totalement impossible pour lui de l'admettre et de vivre avec ça. Après-demain, la semaine prochaine, au programme, c'est quoi ? Non, demain, je reviens aux assises. Et demain, c'est quoi ? Alors, demain. Demain, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a tenté de tuer son père à coups de hache dans la rue. Il a été diagnostiqué schizophrène paranoïde par des experts, donc déclaré irresponsable. Un autre diagnostic de psychiatre est arrivé à une autre conclusion. Il y a eu encore une autre expertise. Bref, finalement, son discernement n'aurait été que altéré. Donc, il peut passer en cour d'assises, mais il n'est pas exclu du tout que il soit déclaré irresponsable finalement à l'issue du procès. C'est pour ça que je vais venir. Un crime en chasse un autre? Non. C'est le travail. Non, non. Un crime est un crime, il y en a un autre après, mais un crime n'en chasse pas un autre, non. Il se succède en tout cas. Votre prénom ? Dorian. Dorian, je vous ai vue assise à côté de Véronique au premier rang. Oui. Et vous avez noirci des pages de notes. Oui. Pourquoi ? Parce que je voulais, au fur et à mesure, noter bien tout ce qu'ils avaient dit pour ne pas manquer de détails qui me semblaient importants pendant que tout le monde parlait. Et voir la progression de tout ce qui a pu être dit par les témoins, par les avocats, par la défense, le procureur, etc. Et voir moi aussi l'évolution de mes idées à moi. Dorian, un mot quand même sur les acteurs du procès, les avocats, avocates, procureurs, Madame la Présidente. Est-ce que, là vous avez 17 ans, est-ce que vous vous projetez en disant je fais une option droit, est-ce que demain, après-demain, dans 7, 8, 10 ans, je serai à leur place? Et je serai à la place de qui? Alors, déjà c'est pas mon but de faire ça professionnellement, mais si je devais faire ça, j'hésite entre le procureur et la défense. Parce que Je sais que j'adore défendre des gens parce que justement j'arrive à trouver des excuses pour tout. Et que même le défunt, j'avais des choses qu'il n'avait pas dit et que j'aurais pu dire. Je me disais, mais il aurait dû dire ça, ça aurait encore plus appuyé son témoignage. Mais en même temps, le procureur, je ne sais pas si c'est pas sa personnalité que j'aime ou son métier, mais j'ai bien aimé comment il débattait, comment son rôle dans l'histoire. Son but, c'est de découvrir la vérité, en fait. Et ça aussi, ça me tient à cœur. Mathieu Hennon, Sonia Kanoun, moins de 2 heures de délibéré, la cour est revenue et le verdict est Que l'accusé a été déclaré coupable du crime de meurtre, donc d'homicide volontaire, et a été condamné à ce titre-là à une peine de 18 ans de réclusion criminelle. La condamnation a été suivie d'une très courte audience civile pour des dommages et intérêts demandés par vous-même et l'autre avocate. Ouais. Et donc, il a été condamné à... Sur les intérêts civils, il a été condamné à 45 000 euros de dommages et intérêts pour la maman que nous défendions et 30 000 euros de dommages et intérêts pour le compagnon de la victime. Il y a un moment où il faut chiffrer un préjudice. Alors, ça paraît toujours choquant, hein, chiffrer quelque chose... Et puis c'est au regard de considérations qui peuvent paraître complètement absurdes. Enfin, l'âge de l'enfant, ça paraît complètement dingue. Même nous, hein, ça nous choque encore. Hein, je veux dire, c'est toujours. La cour d'assises a décidé comme ça, en considérant que le préjudice de la maman devait être fixé à 45 000 euros. Ouais. Donc nous allons quitter le tribunal déserté. Complètement vide, la salle d'audience a été refermée. Ouais. Et là, vous vous apprêtez à appeler votre cliente. C'est ça. Il faut que je lui donne l'information. L'information, c'est le verdict, la peine qui a été prononcée, les dommages d'intérêt qui m'ont été alloués. Je pense qu'elle va un peu tomber des nues parce qu'elle ne sait pas exactement pour elle, il est coupable, ça, il n'y a absolument aucun doute. Mais elle n'a pas d'idée de ce que représente 18 ans de réclusion, est-ce que c'est important, pas important. Pour elle, c'est encore totalement indécent de parler d'argent, puisque pour elle, ce qui lui manque, c'est pas quantifiable en argent. Donc, de toute façon, je pense qu'elle ne me dira pas grand-chose sur cet aspect-là. C'est généralement comme ça que ça se passe. Puis, va falloir aussi que je lui explique qu'il y a des délais d'appel, et que compte tenu de la peine prononcée et du fait que la défense plaidait l'acquittement, c'est possible qu'il y ait un appel, quoi. Et donc, du coup, qu'il y ait une nouvelle audience, et donc qu'il y ait une nouvelle épreuve qui s'annonce devant une cour d'assises d'appel. C'est ça qu'il faut que je lui explique, que je trouve les mots pour lui faire comprendre tout ça. Est-ce qu'on peut dire que vous allez lui dire de retenir son souffle pendant 10 jours? C'est ça. Il a 10 jours pour faire appel. Mais je pense que je vais surtout lui expliquer comment ça se passe, lui dire qu'on va l'appeler si jamais il y a un appel, la préparer au fait qu'il peut y en avoir un. Et puis je vais lui proposer de me rappeler, parce que je pense que là il est tard. Elle est un peu, elle aussi suspendue dans le temps, en fait, depuis le début de cette audience, hein, depuis lundi. Je pense que là elle va accuser le choc. Je vais lui parler, je vais répondre à ses questions, je vais surtout lui proposer de me rappeler demain, après-demain, ce week-end, quand elle le ressent, pour discuter, pour parler, pour lui expliquer les choses si elle n'a pas bien compris, pour répondre à ses questions. Allô, oui, bonjour. Le temps suspendu des assises avec Sonia Kanoun, Mathieu Hennon et aussi Valérie Mao, journaliste au Parisien. Un grand merci à Didier Seban pour nous avoir permis d'enregistrer au sein de son cabinet, ainsi qu'à celles et ceux qui ont joué le jeu de cette série en immersion. La série documentaire, mixage Alain Joubert, documentation musicale Virginie Gresset, réalisation Jean-Philippe Navarre, un documentaire de Michel Pomared. Avocat, juge, procureur, juriste, juré et greffier, LSD, c'est tout pour cette semaine. Et pour porter plainte, bibliographie, lien, mais aussi nous podcaster au dépôt ou nous réécouter avant l'appel, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Série Doc. Et la semaine prochaine, eh bien la semaine prochaine, nous irons explorer notre désir pour les œuvres d'art, les spoliations, le pillage et les restitutions. Mais dans un instant, on retrouve le journal de 18h.